au milieu du jeu, au milieu du terrain, qui ont commencé à se coltailler, qui ont commencé à se dire des choses pas très jolies, je vais vous avouer. Même que des fois, il y en a certains qui rentraient dans les bulles de l'autre quand le ballon n'était pas dans la zone, puis commençaient à donner quelques coups d'épaule, des coups de coude, puis ça se bombait le torse, puis en tout cas. Alors, suite à ces choses-là, ben il y a eu des tacles illégales, puis il y a eu des... Il y a eu une altercation entre deux individus, là, un de Tolbeau et un de Chibougamo, là, où il y a eu des menaces qui ont été faites sur le terrain. Mais regardez, c'est ça. Fait qu'un de nos joueurs, suite aux menaces, là, il s'est senti attaqué. Aïe, aïe. Il a pogné par le collet. Oui, ben, aïe, mais...